cacha son d'or dans son appartement. Sa mèche de cheveux qui fout le feu à la cinquième. C'est New York qui a froid, et moi aussi je crois. Mais de l'avoir posé là au centre des ombres, comme le rayon d'un dieu, mais d'un dieu sans église, dans les cendres d'un feu qui le cœur vous aiguise, comme un chemin de croix mais qui vous souffre pas, comme une apparition. Elle se lèvera bientôt et je serai là à vide. On parlera un peu dans le marc du café noir, puis elle mettra sur elle de la soie de Bombay, des embruns aux paupières, son âme hallucinée. Je suivrai du regard, gravirai les remparts, et dans ses yeux sans fond, où l'on cherche des histoires, j'y entendrai les voix qui nous mènent à la lumière, qui nous mènent à la mer. Cacha dans les étoiles, c'est l'étoile du noir, le chemin infini qui relie l'âme au corps. C'est la beauté de tout ce qu'on ne peut tenir, l'oxygène à mes nuits, la force des sourires qui filent entre les mains. C'est tout ce qu'on ne peut pas expliquer enfin, c'est la grâce, oui c'est Dieu. Et j'y crois. Quand elle danse pour moi, qu'elle me fait sentir plein, qu'elle joue avec mon âme, qu'elle y met son parfum. Quand dans mes intérieurs il y a des brumes à l'aurore, elle me prend dans ses doigts du pourpre, elle fait de l'or. Et c'est là que je vais loin, loin du chemin des tristes, quand elle m'emporte au fond de ses yeux bien trop clairs, qui ont la couleur d'un est, toujours un peu à l'ouest. Elle dit que tout va bien. Si tu la croises un jour à la pointe du jour, elle t'emmènera sur pour te montrer l'amour. Et ces ombres de Chine qui deviennent lumière, et ces vagues toujours qui retournent à la mer, qu'on avait cru perdu, c'est celui qui revient quand ton âme dénue a perdu son chemin. Cacha quand elle est là, c'est le chant des marins que tu entends au loin, c'est le dessin d'un saint qui fait oublier ce mal que l'on s'est fait pour rien. Cacha, c'est pas la fin, c'est juste nos destins, c'est un peu comme un don, un tableau italien, c'est un 4 septembre qui se marie en juin. Cacha s'endort dans son appartement, sa mèche de cheveux qui fout le feu à la cinquième. C'est New York qui a froid, et moi aussi je crois. Mais de l'avoir posé là au centre des ombres, je m'assois à ses hanches et je regarde grâce. Et puis quand je m'y penche sans prendre trop de place, moi je suis les rivières de ses yeux qui lumièrent, l'oxygène à ma flamme.